est capable de nous faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil devant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous, et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République. Seigneur Jésus, soleil levant. cette nation. Alléluia. Installe-toi, Seigneur. Place ton trône, Seigneur, dans ce pays. Alléluia. Soleil levant, lève-toi au sommet de cette nation. Que la lumière, Seigneur, brille, ô Dieu. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre.